Ouais, chez nous, l'exhaleur, serein, Ali, ouais, Jamar, Doé. L'État fait ses affaires et nous enferme dans des quadrilatères. J'ai toute ma vie à faire pendant que je vois se dégrader la terre. J'ai réclamé la paix autant que les cons se déclaraient la guerre. Les hommes se battent à mort et se condamnent à tort et à travers. Envers et contre tout, j'aurais rappé pour mes pattes et moi-même, pour mes potes et ma mère, et surtout pour supporter ma peine. Dans cette époque, moi je porterais mes proches sur mes épaules autant que j'aurais craché mon portrait dans quelques belles paroles. Ce serait super de récupérer tout ce qu'on a perdu. Et moi j'ai trop souffert donc j'ai dû me plaire dans mon amertume. Tous mes projets se recouvrent du nom de ma vertu, je vis à cœur ouvert et je veux être autant que ma mère fut. B4100, l'exhaleur, toujours sans hésiter. Viens vérifier, chez nous on n'évite pas la vérité. Les pieds sur terre, je m'exprime avec sérénité. Reflétant ma bonté, mes crimes ne seront pas des célébrités. Chez nous, chez nous, chez nous le peuple souffre. En attendant que les portes s'ouvrent, que l'État participe à la répartition des vraies valeurs et dans mes partitions. Moi je porte ça sur mes épaules et ouais c'est pour tous ceux de chez nous, chez nous. Que juste mes paroles et mon souffle afin que les portes s'ouvrent et puis qu'on anticipe. Moi je suis pas là pour cracher dans la soupe. Ouais je veux tracer mon chemin de jour en jour sans écraser la foule. Je serais plus ravi, je penserais à l'avenir si je savais ce que signifie se ravir à vivre. On oublie rue Marnix, les putains c'est que satellites, les marques d'expulsés qui se poussent devant les abrites nus, les embrouilles en paquis, les murs tag et BK, les mecs qui pètent les cages, soucis pour cent de racisme dans leur propre entreprise, les pères qui culpabilisent de notre sort et de la sorte qu'on agit vis-à-vis d'autrui. Vivant dans le déficit, on s'initie à l'illicite, visant la réussite, mais d'ici ce mot est illisible. Difficile d'être précis, on presse, personne t'apprécie. Les pertes de confiance surgissent quand j'essaie de rester lucide. Y'a que des cibles accessibles à chaque fois qu'ils restent visibles. Malgré ça, je suis sceptique, je me dis que c'est peut-être impossible. Faut pas trop être docile, ça suscite les paroles dans le dos. Quand dans le doute, tu hésites, ta gentillesse se change en faux. Dans mon manque d'amativité, autant que d'activité. Ici, le profit ne laisse pas la place à la parité. Crache sur la charité. Quand le vice fait surface, prends le contrôle, disparaissent nos sons de dignité, la haine dissipée derrière un nuage blanc. La rage ne se fait discuter qu'à l'aide d'une arme blanche. L'esprit de revanche, avant même l'entrée en jeu, on ne se sent vivre que par le biais d'activités dangereuses. Exciter l'enjeu, il devient une habitude. Les rumeurs courent, les rues écoutent, l'exalte Jamar, Doé et Ali tue. Sans oublier Rise qui complète l'armurerie. Nos soucis, nos crises à retranscrire et nos larmes mûrissent. Quand t'en as marre, tu cries. Si tu mènes la survie, on t'invite à fumer le shit, mais tu en abuses vite. Faut que le sac se vide avant que la mort sévise. Chacun ses torts, ses tristesses, on digne en ses forces de vie. Chez nous, chez nous le peuple souffre. En attendant que les portes s'ouvrent, que l'État participe à la répartition des vraies valeurs et dans mes partitions. Moi je porte ça sur mes épaules et ouais c'est pour tous ceux de chez nous, chez nous. Que juste mes paroles et mon souffle afin que les portes s'ouvrent et puis qu'on anticipe. Moi je suis pas là pour cracher dans la soupe. Ouais je veux tracer mon chemin de jour en jour sans écraser la foule. Je fais mon chemin, franchement je compte que sur les miens. J'ai rien en main, je fais de mon mieux, perds de moi chaque lendemain. Ça devient inquiétant, mais ce qui est triste c'est que ça s'étend. Je suis censé prendre ma chance et vivre dans le présent. Mais tant de raisons me font perdre la mienne. J'ai peu de remèdes, mais le rap m'aide à y voir plus net envers moi-même. À part cette chaîne de vie, juge pas celle des autres. Pour moi c'est le désordre. Désolé, chacun ses fautes, l'occasion est faite pour la saisir. Y'a plus de cellules, règle du plaisir. J'pète une case, moi l'habitude si paisible. Mais résigne, pas et résout peu. Résultat, j'reste douteux, trop sensible. On m'associe un gars soucieux, quoi de mes yeux. Une larme prête à couler, à force m'accumule un jeu. Depuis, cherche à me rassurer. Ok, j'ai cru en belles promesses, au moins dû essayer. Que mes paroles et mes gestes, bref, mes actes finissent un jour par payer.